pendant que le PQ veut s'attaquer, je sais pas, aux petites croix religieuses, aux kippas, aux chapeaux puis aux fichus. Moi, je trouve que c'est pas ça le vrai combat. Le combat, c'est juste être capable de dire non. Puis quand ça n'a aucun bon sens, d'être capable de dire « Hey, out, pas d'affaires ici. » Bon, mais on n'est pas capable, ça a l'air. Pendant ce temps-là, la nouvelle est sortie. Des extrémistes musulmans s'en viennent à Montréal donner des conférences au Palais des Congrès, là, dans un endroit public, là. Ils ont dit oui à, notamment, je pense qu'il s'appelle... Est-ce que c'est bien Abu Anas? C'est bien ça, Abu Anas. Il y en a d'autres aussi, ils sont 3-4, là. Ça, c'est celui qui veut s'en venir ici? S'en viennent ici donner une conférence. Ouais. On voulait faire entendre. Ça, bravo à Agnès Maltais qui a réagi tout de suite. Ouais. Qui a dit, on veut pas voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, il devrait même pas y avoir de débat. Quand ces gens-là se sont pointés le nez au Palais des Congrès, ça aurait dû être... Richard Martineau a un bon point ce matin. Si le Ku Klux Klan... Connaissez les racistes, là, ouais. Les cagoules blanches, veulent donner une activité au Palais des, au Centre des Congrès de Québec. Mais ça va être non. On tolère pas ça ici. Et c'était des racistes contre les Noirs, mais c'est non. Mais là, on dirait que les musulmans extrémistes, faut pas tous les mettre dans le même paquet, c'est plus touché. Moi, vous les faire entendre, j'ai demandé à Olivier et à Jean-François, pauvres autres, ils se sont tapés des heures et des heures de discours parce que c'est fleuve, là, ce que ces gens-là disent sur le net, mais c'est en français. Oui, mais j'ai juste une question pour toi, qui les invite ici? Un groupe de jeunes musulmans de Montréal. OK. Ouais. Ta question est bonne. On peut-tu se poser des questions? Oui. Les enquêter, les surveiller, voir oui. Mais là, discrimination, vous nous ciblez, vous nous... Hey, watch out. Mais j'espère que oui, qu'ils le font et qu'ils le disent pas. Voici donc ces conférenciers invités à Montréal qui vont donner leur conférence là prochainement. Voici ce qu'ils pensent de la femme et des vêtements et de notre culture. On commence avec un premier extrait sur comment la femme doit se vêtir. Ma sœur, en islam, tu es un trésor. Tu es un bijou. On ne t'expose pas. On ne se sert pas de toi comme une marchandise. Toi qui t'habilles scellé. Toi qui ne portes pas encore le hijab. Toi qui t'habilles avec des vêtements transparents. Toi qui t'habilles trop court. Toi qui mets trop de maquillage. Toi qui as un beau piercing dans le nez. Toi qui mets du rouge à lèvres visible à 3 km. Ma sœur, écoute comment la musulmane doit s'habiller en islam. Parce que ta tenue vestimentaire, si elle est provocante, si elle est attirante, elle peut attirer certains loups qui circulent dans la rue. On recule en arrière, hein. On se croirait dans les années... On a vécu ça au Québec dans les années... les religieuses mesuraient les jupes à l'école, pis etc. Puis c'était... Qu'est-ce qu'il y a d'affaires à se prononcer sur le maquillage? Les vêtements transparents, un rouge à lèvres. Le piercing, ça en prend tout ça. Les animatrices à la télé, ça a l'air qu'ils sont trop dénudées. Les lectrices de nouvelles, selon eux autres, sont complètement nues. Hey, Sophie Thibault... Moi, je regarde la télé, pis c'est drôle. Je vois qu'ils sont pas mal habillés. Ben oui. Voici comment il explique comment il faut absolument parler aux femmes pour qu'elles portent le hijab. Donc, je te conseille d'avoir confiance en Allah et de te dépêcher de porter ton hijab. Alors, ça presse de porter le hijab, là. Bon. Passons à la numéro 4, là. Elle sait pas, cette sœur, qu'elle s'est dévalorisée un maximum en laissant ce message. Les frères, vous êtes dans la mosquée. C'est comme ça que vous avez trouvé votre femme? Ça vous attire, ça, franchement? Ah, il parle de Facebook, là. Je les vois, moi, alhamdoulilah, des centaines de frères qui viennent au Dourous. Mais ils en veulent pas, ils savent très bien que c'est du bas de gamme. Tu le trouveras pas comme ça. Tu trouveras pas un pieu. Tu trouveras quelqu'un qui est comme toi. Je te le dis clairement. J'étais dans la casse et qui cherche quelque chose dans la casse. Bon, alors honnêtement, là, c'est pas les plus... je sais pas si tu peux me ressortir le texte de Fabrice de Pierrebourg. Il y avait des extraits un peu plus où ce que vraiment, vraiment, il disait qu'une femme qui se maquille, c'est quasiment une femme qui va se faire violer, là. Il y avait des affaires, ouais. Regarde là-dedans, parce que ces cotes-là sont... on peut peut-être essayer la numéro 2, on va donner une chance. Le but n'est pas de faire plaisir à tes amis et à t'habiller comme elle, afin qu'elle dise « Ah, elle est adaptée, elle est bien intégrée, etc. » C'est parce que par le vêtement, tu peux être une grande tentation, tu peux attirer des hommes. Et on sait très bien que les hommes sont très fragiles. Il suffit d'un peu de couleur, de vêtements serrés, d'un brushing, d'un maquillage ou autre, pour qu'il aille draguer une femme. Il l'arrête dans la rue. Il essaie de l'aborder et il essaie de prendre son numéro de téléphone. Et la suite, vous connaissez. Et combien on reçoit d'emails? Je suis enceinte, je sais pas comment faire, est-ce que je dois le mettre sur mes parents, est-ce que c'est haram d'avorter? Ça a commencé par quoi? Par quoi? Un regard, une parole, un échange de numéros. Lis-moi, ça donne un peu une idée du ton, en tout cas, là, merci. Mais lis-moi ce que Fabrice de Pierrebourg, qui s'est tapé ces discours-là sur Internet, a trouvé. Là. Vous allez voir que ça va plus loin que ça. Il y a certaines paroles beaucoup, beaucoup plus rough. OK. On verra bientôt débarquer à Montréal des prédicateurs islamistes européens qui bannissent la mixité, qui considèrent qu'une femme doit raser les murs de la rue, que c'est un péché de lui serrer la main, que de refuser... Là, stop. Là, tu vois, là, raser les murs de la rue. Bouts, là. Une femme, quand ça se promène... Tout seul, ça doit raser les murs dans la rue. Ça doit... Ah, peut-être quasiment... même pas toute seule, là. Quand t'es avec son mari, il faut aussi... Elle rase les murs. Ouais. Puis si on lui donne la main, c'est un péché. Oui. Que de refuser de porter le voile est pire que d'avoir le cancer, ou encore que la télévision est un poison à cause des lectrices de nouvelles dénudées. Refuser de porter le voile, c'est pire, comme je te disais, d'avoir le cancer ou le sida, car ne pas porter le voile te mènera en enfer. Tu es la servante d'Allah, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans ce monde. Moi, quand je lis ça, puis que je vois hier aussi les éducatrices en CPE qui disent « je vais quitter mon emploi s'il faut que j'enlève mon voile », je peux pas croire que ces filles-là le font par choix. Ouais, c'est parce qu'elles croient tant à leur religion qu'elles vont s'y conformer, mais elles ne sont pas de bonnes islamistes si elle ne porte pas le voile. C'est ça que je comprends, moi. Que, radical ou pas, là. Il y en a une sur le maquillage aussi, là. Continue un petit peu, tu vas la trouver, là. On en a fait entendre quelques-unes, là, mais... J'y arrive. Excuse, là, je te prends un peu de vitesse, mais il me semble que ça, il parlait du viol, quasiment, là. Que, puis on a déjà entendu des trucs comme ça, que la femme qui se fait violer, si elle était habillée qu'une jupe courte ou était maquillée, ben là, c'est la faute de la femme. Hey, écoute ça. Il exhorte d'ailleurs les jeunes à... On ouvre les guillemets. Arrêtez immédiatement toute relation copain-copine. Efface tous les numéros de filles dans ton téléphone, sinon tu vas te faire découper le jour du jugement. OK. Donc, une femme n'a pas le droit d'avoir d'amis. C'est ça? C'est ça que je comprends? Non, un gars n'a pas le droit d'avoir d'amis. Tu peux pas avoir des copines. OK. Non. Et le prédicateur de mentionner à son auditoire qu'il n'y a aucune honte à agir ainsi, puisque celle qui s'habille super court, elle n'a pas eu honte. En tout cas, bon, alors ces gens-là, il y en a des tonnes, les discours sont extrêmement longs. Là, juste de lui serrer la main, c'est déjà de la fornication, de l'adultère. Serre la main. Un homme qui serre la main d'une femme, c'est un adultère. OK, ça, comment ça se fait que ça rentre? Tu verrais tout ça, écoute bien ça. Pensez-y deux secondes. Là. Moi, je dis à matin, c'est mon opinion, que serre la main d'un noir, là, c'est un péché. Ben non. Sérieux, je suis mort. Et avec raison, s'il y a quelqu'un un jour qui dit ça médiatiquement, qui sac ça dehors, c'est du racisme. Voyons donc, serrer la main d'un noir, c'est sale. Hey, c'est fini. Pourquoi un musulman doit dire que serrer la main d'une femme, c'est un péché, puis on fait comme, ah, c'est la religion, la liberté, il a le droit, puis c'est ça, il ne faut pas juger, puis ils sont comme ça, puis ils sont pas. Hey, c'est no way. T'as pas le droit d'avoir une attitude comme ça envers un handicapé, un juif, un noir, et avec raison. Parce qu'on vit dans une société où qu'importe ton rang, ton sexe, ton statut, on est égaux. Pourquoi les musulmans vont venir à Montréal, au palais des congrès, dire « serre la main d'une femme, c'est péché ». Puis nous autres, on fait comme « ah ». Remarque, ce matin, c'est drôle parce qu'il y en a un qui est à droite puis à gauche, mais et Lagacé et Martineau, je sais pas s'ils se sont parlé, ont la même opinion dans les journaux. Laissez-les venir, mais manifestons. Au lieu des bannis qui rentrent au centre des congrès, mais qui a une manif. Et la manif, ça devrait être une manif de musulmans modérés. La grande majorité, et je l'avoue, et à Québec, on est chanceux parce qu'à date, il n'y a pas trop d'extrémistes. On a une coupelle dans le tas, mais la majorité, on vit en paix et on a de bonnes relations avec notre communauté musulmane, et tant mieux. Parce que c'est des modérés. C'est pas ce genre de discours-là qu'on entend. Pas dans les mosquées, mais en tout cas, on l'entend. On semble pas l'entendre. Pourquoi ils n'organisent pas de manif? C'est par solidarité? Parce qu'eux autres, ils payent le prix de ça. Il y a malheureusement des gens qui mettent les musulmans tous dans le même paquet. Eux tous pareils! Or, c'est faux. Mais levez-vous de bout, puis dites, on va aller manifester contre ces preachers-là en disant, ça n'a aucun bon sens. On a choisi ça, le l'islam. Québec pour sa culture d'ouverture, de place d'égalité envers les femmes. Puis une femme peut serrer la main d'un gars, c'est pas un péché. Ouais. OK? Le reste, là, on a des croyances, mais ça, c'est extrême. Mais je suis pas sûr, je pense que c'est plus un rêve que d'autres choses. Mais on verra bien. La conférence doit avoir lieu. Je pense que c'est Je sais pas la date, là. Je l'ai pas devant moi, c'est pas grave, là. Moi, j'essaie de vous dire ça, mais on va surveiller ça pour voir s'il y a une manif, s'il y a de quoi qui s'organise. Est-ce que c'est en fin de semaine, Catherine, dans le début de l'article, est-ce qu'on mentionne quand est la conférence? Mais bientôt. On verra bientôt débarquer à Montréal. Okay, donc c'est pas de date. OK, donc c'est pas en fin de semaine prochaine, ça s'en vient. 8h49. Ce message publicitaire est triste. Pour le faire, Lévi Toyota a dû prendre son